Cernant de 1016. Peste et choléra. Ils ont dualisé le monde. Putain de méthode qui consiste à n'opposer que les uns passer les pièges. Toutes leurs visées se fondent sur des instincts de prédateurs qui attisent le brasier de nos angoisses et nos rages. Pouvoir individuel contre pouvoir communautaire. Soit c'est mérite personnel, soit c'est mérite identitaire. Comme s'il n'y avait pas d'autre intérêt possible que pour soi ou les siens. Forcément divisés, hostiles comme des chats et des chiens. Pour eux les problèmes viennent des personnes ou des groupes. Incompétence ou malveillance, voilà ce qu'ils dénoncent. Mais c'est tout le système qui dysfonctionne. Aucune troupe, ni dirigeant, même bienveillant, n'a la réponse. De l'Ukraine à la Syrie, du Brexit à nos élections. C'est leur haine, c'est leur tuerie qui excite les populations. Ils n'ont que la propriété et l'autorité comme horizon. Libéraux, fachos, même guépiers, même merdiers, tous aux tisons. Peste et choléra. Des vues binaires et restrictives nous laissent de colère rare. Cesse tes commérages, et je sais ce qu'on verra. Un univers plus constructif sans tes stéréotypes graves. Peste et choléra. Des vues binaires et restrictives nous laissent de colère rare. Cesse tes commérages, et je sais ce qu'on verra. Un univers plus constructif sans tes stéréotypes graves. Sans tes stéréotypes graves. Sans tes stéréotypes graves. Peste et choléra. Personne pourra me faire croire que face à l'avidité des bourges, y'a qu'une échappatoire qu'on place la majorité des ressources sous l'œil d'une seule et même structure. Si elle implique la répression masse, l'État suppose la dictature. Tant qu'il y a des flics et des bidasses, y'a pas de volonté générale qui puisse servir de calife aux administrations centrales et aux organes législatifs. À moins d'avoir tous les mêmes envies et de réfléchir tous de la même façon. Mais là où tout le monde a la même vie, il peut pas y avoir d'émancipation. Non, une constitution vaut pas mieux qu'un contrat de travail. Du point de vue de l'être libre, il n'y a pas moins de corruption dans le milieu des affaires sociales que le privé. J'équilibre sur les plans criminels et tyranniques d'affaires d'entreprise éco-citoyenne. Donc je nique profond la fonction publique autant que l'emprise des boss qui aliens. Je crois que chacun peut être maître de soi, fixer les coopérations qui lui sont plus souhaitables. Qu'il n'y a pas besoin d'une liste de lois pour aiguiller nos actions et les rendre valables. Je crois qu'il n'y a pas de devoirs et de droits, uniquement des liens de confiance pour des désirs unis. Qu'il y a des tas de grands soirs et de voix à même de donner un sens à notre autonomie, ni plus ni moins. Peste et choléra. Des vues binaires et restrictives nous laissent de colère rare. Cesse tes commérages, et je sais ce qu'on verra. Un univers plus constructif sans tes stéréotypes graves. Peste et choléra. Des vues binaires et restrictives nous laissent de colère rare. Cesse tes commérages, et je sais ce qu'on verra. Un univers plus constructif sans tes stéréotypes graves. Sans tes stéréotypes graves. Peste et choléra. Cernant de 1016. Yeah.